qui a dirigé une publication qui vient de paraître, son titre « Histoire de l'Église orthodoxe en Europe occidentale au XXe siècle ». Un recueil d'articles sur l'implantation des orthodoxes en Europe occidentale, particulièrement au XXe siècle. Il y a donc l'histoire, il y a la réalité d'aujourd'hui. C'est un livre précieux parce que peut-être le premier dans ce genre, où nous avons une présentation générale de l'Église orthodoxe en Europe, quelque chose qui manquait donc et que je vous conseille de voir parce que c'est vraiment très utile de connaître où sont ces orthodoxes. Que l'on soit orthodoxe ou pas, très souvent on connaît même pas les autres paroisse, à part la sienne, et évidemment on connaît très mal ce qui se passe dans les autres pays. Avec Christine Chaillot aujourd'hui, le père Boris Bobenskoy, ancien doyen de l'Institut Saint-Serge, professeur de dogmatique, recteur de la paroisse de la Crypte, rue Daru, et évidemment un auteur très connu de plusieurs ouvrages sur la dogmatique et la vie de l'Église orthodoxe, et aussi Joost van der Lossum, professeur de l'histoire de l'Église, à l'Institut Saint-Serge, où d'ailleurs aujourd'hui nous enregistrons cette émission. Joost, qui est d'origine hollandaise, qui a fait ses études aux États-Unis, si je ne me trompe, et qui donc peut témoigner également de cette diversité que l'on voit à travers le visage et l'identité de différentes paroisses orthodoxes en Europe occidentale. Christine Chaillot, je commence par l'essentiel. Pourquoi ce livre ? Eh bien, comme vous l'avez dit, les gens ont souvent l'impression que l'orthodoxie, c'est le fait des pays d'Europe orientale. Or, depuis le début du XXe siècle, mais déjà bien avant, pour des raisons commerciales, pour des raisons parfois matrimoniales, de mariages royaux, entre par exemple des princes russes et une princesse danoise, enfin, ou avec d'autres familles royales européennes, il y a eu des implantations de chapelles ou d'églises orthodoxes en Europe occidentale, bien avant le XXe siècle. On peut dire que les orthodoxes qui se sont les premiers implantés en Europe occidentale, ce sont bien sûr les Russes après la révolution de 1917 et puis les Grecs dans les années 20. Et puis, peu à peu, ce sont tous ces orthodoxes des différents pays, surtout après la perestroïka, donc après les années 1990, qui viennent peu à peu s'installer en Europe occidentale, et en très grand nombre alors, et principalement pour des raisons économiques. En deux mots, la situation actuelle, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien y a-t-il d'orthodoxes en Europe occidentale, même si l'estimation est évidemment pas précise? Et à peu près le nombre de paroisses, est-ce que ça représente quelque chose d'important ? Il est certain, comme je viens de le dire, que depuis les années 1990, le nombre des orthodoxes ayant énormément augmenté et dans pas mal de pays, y compris dans des pays où on n'avait jamais eu d'orthodoxes avant, en Europe du Sud, par exemple en Italie, en Espagne, au Portugal, où l'on trouve actuellement des centaines de milliers d'orthodoxes, principalement des Roumains, mais aussi des Ukrainiens, des Biélorusses, etc. Et donc là, c'est là que je dirais, il y a eu une expansion tout à fait extraordinaire des orthodoxes. Il est très difficile, évidemment, d'avoir des statistiques très précises. Les chiffres qu'on nous a donnés dans les articles du livre dont on parle aujourd'hui, j'ai fait l'addition des chiffres qui nous sont donnés et je suis arrivée à environ 3 millions d'orthodoxes en Europe occidentale, mais c'est sans doute un chiffre qui, la réalité doit dépasser ce chiffre. Je donne simplement un exemple. En Allemagne, on compte environ 1 million .2 d'orthodoxes, ce qui représenterait 1,3% de la population allemande. Et en Suisse, pays voisin de l'Allemagne, où il n'y a que 132 000 orthodoxes, cela représente 1,8% d'orthodoxes. Donc il y a comme ça, c'est intéressant effectivement de faire ce genre de calcul. Nous allons essayer de voir quelques grandes étapes de l'arrivée, de l'implantation des orthodoxes en Europe occidentale. Nous sommes à Paris, un lieu d'accueil très important, surtout après la révolution russe. Père Boris Bobenskoy, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez professeur, que vous étiez prêtre depuis longtemps, auteur de plusieurs ouvrages, mais vous êtes également vous-même issu de cette immigration. Je voulais vous demander un tout petit peu de parler sur votre histoire personnelle, surtout sur votre sentiment personnel, de la manière dont les Russes arrivés en France se sont installés et se sont intégrés dans la vie française? Je peux vraiment dire que, regardant en arrière dans ma propre vie, j'ai maintenant 81 ans, je pense que j'ai suivi, disons, les différentes étapes du devenir de l'orthodoxie en France depuis les années 25 et 30. Je suis moi-même origine d'une famille aristocratique de Russie. Mes parents ont quitté la Russie, ont fui la persécution communiste pendant et après la révolution de 1917-18. Ils sont installés, tout d'abord, ont voyagé dans différents pays, puis finalement se sont retrouvés à Paris. À Paris, qui fut d'ailleurs très tôt, à partir des années 25 et plus tard, un des centres les plus importants, sinon le plus important, de l'immigration russe. Je ne parle que de l'immigration russe, je ne veux pas du tout mettre en question l'importance d'autres groupes ethniques, en particulier de la colonie grecque, qui d'ailleurs s'est installée à Marseille bien avant, et je pense que Marseille a été très très tôt un lieu déjà où une immigration, une colonie grecque, une des communautés grecques sont installées. Mais ne parlons pas de ça pour le moment. Alors je dirais que j'ai moi-même assisté, vécu au sein de l'Église russe, en particulier autour du métropolitologe qui fonda l'Institut Saint-Serge dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, de ce métropolitologe qui avait reçu tout d'abord du patriarche Tikhon, patriarche de Moscou, décédé en 1925 et canonisé récemment. Il avait reçu donc tout pouvoir pour prendre en main la direction des églises orthodoxes russes à l'étranger, et particulièrement en Europe occidentale, méridionale, septentrionale, et de sorte que le métropolitologue s'est trouvé à la tête d'une très très importante colonie, appelons ça comme ça, d'émigrés russes, d'émigrés pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons familiales, et particulièrement la France s'est trouvée comme un lieu particulièrement privilégié, une terre d'accueil pour de très très nombreux réfugiés russes, de tout niveau, de tout grade, de tout état social, de toute culture, de toute appartenance, de sorte que la France a été vraiment un lieu dans lequel se sont très très rapidement développés et fondés et ont grandi en des paroisses, souvent de rien du tout. Et le métropolitologe avait la charge de former et d'envoyer des prêtres dans ces différentes communautés religieuses, dans ces paroisses qui naissaient très rapidement. Et c'est à ce titre-là qu'a été fondé l'Institut Saint-Serge, dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui a fêté cette année ses 80 ans d'existence. 80 ans, c'est déjà un chiffre important, et qui a été donc fondé par le métropolitologe. Il a été créé, acheté, c'est une propriété qui fut achetée au gouvernement français à titre de dommages de guerre, comme étant une ancienne communauté religieuse allemande, mise aux enchères et achetée par la communauté orthodoxe russe au mois de juillet, le 18 juillet 1924. Le jour de la fête de Saint-Serge. Pourquoi je parle de Saint-Serge? Pas tellement parce que ce soit le thème d'aujourd'hui, mais pour dire que Saint-Serge, tout d'abord, a été au service des communautés orthodoxes russes, et puis ensuite, il y a eu une sorte de diversification, d'élargissement, tout d'abord des étudiants, puis des professeurs. Et actuellement, Saint-Serge, au terme de ses 80 ans, représente véritablement un lieu de formation et de vie théologique et pastorale, de formation pastorale, pour les différentes églises orthodoxes du monde entier d'ailleurs, qui nous envoient nos étudiants. Nous avons des professeurs venant de différentes origines, et nous avons actuellement ici parmi nous le professeur Jos van Rossum, qui est d'origine donc néerlandaise. Nous avons, etc., nous pourrions continuer le nombrement de ceux-là. Mais disons simplement que l'Institut Saint-Serge veut et a voulu servir, disons, une orthodoxie vivante, une orthodoxie, bien sûr, pour le moment, disons, de tradition russe, mais ouverte également à la tradition, à la vie de l'Église grecque, de l'Église roumaine, du patriarcat d'Antioche, etc. Merci beaucoup. On est obligé de faire des sauts dans le temps, et bien sûr, parce qu'autrement, on ne peut pas tout voir. Juste une question j'aurais pour Jos van Rossum, justement, que vous venez de nommer professeur ici. Vous témoignez de cette diversité des orthodoxes en Occident par le fait que vous êtes hollandais, que vous avez étudié aux États-Unis, que vous enseignez en France, Et aussi, vous êtes professeur d'histoire de l'Église. C'est intéressant parce que comme ça, vous pouvez avoir une vision un peu plus générale sur la manière dont l'Église a vécu pendant les 2000 ans. Et pour dire aussi si ces flux migratoires, si ces changements, si cette diversité est quelque chose qu'on trouve souvent dans l'histoire ou c'est quelque chose de tout à fait particulier, propre au XXe siècle et tout à fait particulier. Oui, je suis devenu orthodoxe officiellement à la fin de mes études en Hollande en 73, donc déjà plus que 30 ans. Et dès le début, j'étais forcé d'être impliqué dans cette diversité entre juridictions, des conflits personnels. Je dois admettre que cet aspect terrestre de l'Église ne m'a jamais intéressé. Je suis devenu orthodoxe. Ma vie personnelle, c'est la liturgie. Mon père était un pasteur protestant de l'Église réformée. Comme enfant déjà, j'ai toujours cherché une vie liturgique, un culte. Et à La Haye, où nous habitions, je suis entré dans une église russe et je me sentais complètement chez moi. Surtout la façon de prier des gens. Et ça, donc cet aspect liturgique, spirituel, a été toujours important pour moi. Et c'est pourquoi cette histoire de conflits juridictionnels, politiques, ecclésiales, était toujours... Alors c'est un aspect qui existe, mais c'est un aspect extérieur de l'Église. Et je peux dire quelque chose peut-être sur l'histoire de l'Église. J'ai écrit un chapitre sur l'Église hollandaise qui a commencé avec l'arrivée des émigrés russes au début du XXe siècle. C'était en effet un ancien étudiant de Saint-Serge, iromane Dionysi, Denis Lukin, qui a été vraiment le premier missionnaire orthodoxe en Hollande. Il a très vite appris la langue néerlandaise, il a donné des conférences en hollandais, et il a commencé à célébrer en hollandais. Donc, dès le début, déjà, aux années 40, il y avait déjà en Hollande quelque chose qui avait commencé spontanément d'intégrer l'orthodoxie dans la culture du pays. Quand j'étais devenu orthodoxe, il n'existait encore pas beaucoup de livres sur l'orthodoxie en hollandais. Il y avait un livre de Monsieur, il est devenu donc Iromain Denis, est devenu plus tard évêque de Monsieur Denis. C'était donc une collection de conférences qu'il a fait pendant les années 40. C'était en effet presque le seul livre sur l'orthodoxie. Heureusement, dès l'année 60, on a traduit des livres et donc la connaissance de l'orthodoxie était devenue plus grande. Je voulais maintenant parler un tout petit peu de la réalité actuelle et également de la vie de cette église orthodoxe et des différentes paroisses. Et je voulais avoir le sentiment de vous trois. Christine Chaillot, peut-être on commence par vous. Comment présenteriez-vous cette réalité actuelle qui est quand même très vivante, il faut le dire, et nous traversons une période de mutation, il faut le dire. Le père Boris parlait tout à l'heure de la révolution de 1917 et il y a eu d'autres événements dans l'histoire du XXe siècle comme l'échange de population de 1923 entre la Grèce et la Turquie qui a entraîné un grand flux migratoire vers l'Europe occidentale de Grecs d'Asie mineure. Et maintenant, depuis les années 90, justement, après la chute du mur et tous les événements géopolitiques importants que nous connaissons, il y a beaucoup de nouveaux orthodoxes qui viennent habiter dans les pays d'Occident et qui changent un tout petit peu, comment dire, le profil social actuel. Mais pourtant, il y a une vie de l'Église qui continue, qui vit, il y a différentes paroisses. Alors comment présenteriez-vous ça de manière un peu générale ? Oui, il ne faut pas oublier non plus les orthodoxes qui viennent de l'ex-Yougoslavie au moment de la guerre en Serbie. Il ne faut pas oublier non plus les orthodoxes qui ont fui le Liban, qui a eu quand même une guerre civile de plus de 20 ans. Donc on voit que ce sont aussi des orthodoxes qui viennent de pays qui, non européens. Et je pense que justement, c'est ce que disent nos auteurs, c'est toujours la difficulté d'une représentation orthodoxe. Parce qu'il y a donc, ces orthodoxes sont rattachés à des patriarcats différents, que ce soit le patriarcat de Constantinople, de Moscou, de Roumanie, de Bulgarie, le patriarcat d'Antioche. Et comment finalement avoir une représentation orthodoxe commune ? Parce que c'est ça finalement ce que demandent les non-orthodoxes en Europe occidentale, que ce soit au niveau du dialogue œcuménique chrétien, que ce soit au niveau des dialogues interreligieux, que ce soit dans les rapports avec l'administration dans les différents pays européens. Donc c'est dans ce sens-là que par exemple en France, il y a eu une organisation qui s'appelle aujourd'hui l'Assemblée des évêques orthodoxes, qui se réunit chaque mois, et qui évidemment joue un rôle de représentation de toutes ces juridictions orthodoxes. Ceci existe également en Allemagne et on espère que ce système pourra se développer dans d'autres pays européens. Alors ce système est provisoire, nous le savons, Père Boris. En deux mots, votre avis de professeur de dogmatique aussi sur cette solution adopté pour répondre à une difficulté, parce qu'en fait, on fait une entorse à l'ecclésiologie traditionnelle. Vous avez indiqué tout à l'heure, à juste titre, que nous sommes dans une période de mutation, et je dirais même de mutation extrêmement rapide actuellement, de sorte que nous ne pouvons pour le moment proposer que des solutions provisoires, des solutions ad hoc, qui évidemment devront ensuite être vérifiées par le temps lui-même. De sorte que, tout d'abord, il faut tout de même rappeler qu'il y a actuellement une des tensions véritables existantes entre des approches tout de même assez fondamentalement divergentes et pourtant importantes toutes, qui sont d'une part la réalité ethnique nationale, disons que ces groupes importants, parfois des centaines de milliers, sinon plus, de personnes déplacées venant des pays des Balkans ou des pays slaves qui s'installent ici en Europe, eh bien, ils ont véritablement besoin de se trouver entre eux, de se retrouver, d'avoir une pastorale dans leur propre langue. Par conséquent, ils sont loin. Il faut des générations pour cela, pour que ces groupes d'immigrés puissent s'assimiler dans la langue, dans la culture des pays qui les accueillent. Donc cela fait que nous assistons actuellement, particulièrement en France, mais pas seulement en France, à une coexistence dans l'ensemble pacifique, n'exagérons pas les choses, dans l'ensemble pacifique, entre ces différentes ethnies qui toutes portent la foi orthodoxe au plus profond d'eux-mêmes, qui sont fidèles à la tradition, à la foi de l'Église, à l'enseignement, à la vie liturgique, n'est-ce pas, au canon de l'Église, donc il n'y a aucune ombre à jeter sur quoi que ce soit. Mais d'autre part, nous avons de plus en plus conscience, à mesure que nous étudions la vie de l'Église et son histoire en particulier, nous voyons combien la réalité ecclésiale, dans sa vérité profonde, est une réalité unique, où nous cherchons à rappeler la vision de l'Église ancienne, où dans un seul pays, sur un seul territoire, il y a un seul évêque, ou du moins une seule administration ecclésiale épiscopale, qui gère de manière pastorale et spirituelle l'existence de tous les orthodoxes, de quelque pays d'origine qu'ils soient. Et alors, là nous avons actuellement ces deux visions qui coexistent, et bien sûr, je pense que la vision de l'unité de l'Église autour de l'Eucharistie, autour de la vie eucharistique, de la vie liturgique, elle s'impose, mais elle demande un grand travail pédagogique de préparation spirituelle. C'est pour ça que déjà dans les années 70, s'est développé en France, particulièrement en France et en Europe occidentale, ce qu'on peut appeler une fraternité orthodoxe en Europe occidentale, qui a cherché par tous les moyens possibles à rassembler, prendre conscience et à rappeler l'importance de cette unité de l'Église orthodoxe. Et au terme de quelques années, cette fraternité orthodoxe a pu donc contribuer à la fondation d'une commission ou d'un comité plutôt des évêques orthodoxes en Europe occidentale et particulièrement en France, qui pendant des dizaines d'années a fait un grand travail de rassemblement et de partage des problèmes communs qui peuvent exister, pédagogie, publication, catéchèse, etc. Mais alors, au terme de cela, pour reprendre maintenant ce que vient de dire Mme Christine Chaillot, eh bien, ce comité des évêques orthodoxes de France s'est mu en une réalité plus officielle, plus canonique, bien qu'elle aussi provisoire, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui, en principe, réunit les évêques de toutes les églises canoniques existantes dans notre pays. Et il faut dire que cette réalité répond à une décision prise sur le plan panorthodoxe à Chambézy, pour que des entités comme ça, des administratives, comme on veut parler ça, de ça, l'Église plus canonique, comme vous dites, mais c'est toujours provisoire, naissent dans tous les pays, de manière à ce qu'il y ait toujours un champ de coexistence et d'échange pour tous les orthodoxes. Vous avez tout à fait raison. Mais on peut dire à ce titre-là que la France constitue ici un lieu, une œuvre de pionnier. Bien sûr, nous pouvons aussi parler d'un comité analogue aux États-Unis, le SCOBA, qui est l'Union des évêques orthodoxes de ce pays. Et dans tous les cas, là où c'est possible, ce sont des institutions importantes qui sont prometteuses pour l'avenir. Oui, je pense que ça serait très important de souligner que les églises doivent se débarrasser du mot diaspora, qui n'est pas du tout un terme théologique. C'est lié à l'histoire des Juifs qui sont dispersés. C'est d'autres peuples, c'est déjà un terme biblique, Jean chapitre 7, je pense vers 36. Donc un terme biblique, mais pas théologique. Parce que quand on pense toujours à la diaspora, l'Église, c'est toujours lié à nationalisme, ethnicisme, et on continue à penser en cadre juridique, dans le terme de privilège, de patriarcat et ça. Je pense qu'une vraie unité doit commencer avec une coopération de toutes les églises mères. Il faut oublier de privilèges, des droits, de langage juridique. Il faut se débarrasser de ce langage juridique. Je voudrais dire que M. Van Rossum a tout à fait raison, parce que ce terme de diaspora, il durcit, je dirais, une situation dans laquelle les orthodoxes sont là, perdus les uns les autres, et toujours, toujours dépendants de leurs églises mères. Mais pourtant, je dirais que ce terme de diaspora, il permet quand même aussi de comprendre combien nous sommes dans une situation provisoire pour le moment, et quel énorme travail reste encore à faire afin que nous sortions, que nous ne sommes pas encore sortis de là, de cette situation de diaspora, et que nous puissions véritablement, peu à peu, nous retrouver ensemble au-delà de la diaspora, ou plutôt rappelant que la véritable diaspora, c'est que là, quand nous sommes en marche vers le royaume de Dieu, oui, dans une attente de la patrie céleste qui est notre unique exactement patrie. Oui, oui, je et je pense qu'on ne peut pas oublier non plus les nombreux Européens dans tous les pays d'Europe occidentale qui sont devenus orthodoxes et qui font partie maintenant de cette grande famille orthodoxe. Et qui refusent de se considérer comme diaspora. Voilà, mais qui, il faut quand même le souligner, pour lesquels on a fait, comme Jos van Rossum l'a dit pour les Pays-Bas, mais la réalité est la même pour tous les pays, on a traduit tous les textes des offices orthodoxes dans différentes langues. Et je pense qu'il faut aussi se souvenir, dans un contexte historique, d'une Europe justement telle qu'elle a été au siècle passé, où justement tous les grands esprits de tous les pays voyageaient, n'est-ce pas? Il y avait ces échanges au niveau, enfin surtout intellectuel, et je pense que dans la nouvelle Europe, on doit réapprendre à qu'est-ce que c'est vraiment être européen. Et justement, peut-être que dans ce contexte-là, l'orthodoxie paraîtra moins étrangère. Et peut-être que on comprendra mieux aussi, il ne faut pas voir cette arrivée des Européens de l'Est comme des espèces d'envahisseurs, mais peut-être de voir aussi tout ce qu'ils peuvent apporter de positif, je dirais en particulier justement par le biais de la spiritualité orthodoxe. Père Maurice, nous avons encore un moment, je voudrais quand même aussi dire que nous parlons aujourd'hui et ici entre nous du devenir et de l'avenir de la réalité de l'Église orthodoxe, mais il ne faudrait pas oublier que autant nous sommes orthodoxes, autant nous voulons être tout simplement chrétiens. Et je pense que là, cela signifie que nous avons aussi à rappeler un style de langage, d'attitude vis-à-vis de nos frères séparés, que nous voulons aimer, que nous voulons connaître, que nous voulons découvrir à partir de l'intérieur de leur propre vie. Et c'est ainsi que l'orthodoxie, elle a déjà, depuis la fondation du mouvement œcuménique au début du siècle, elle a déjà toute une tradition de langage et de connaissances et d'actions œcuméniques qui est important de dire aujourd'hui dans ce début du 21e siècle où encore et encore nous cherchons à surmonter nos divisions confessionnelles. Bien sûr, et puis il y a le problème des divisions confessionnelles et il y a le problème des sensibilités à l'intérieur même de chacune de ces confessions, comme chez les orthodoxes, qui parfois peut créer des... Et puis il y a aussi le problème que les orthodoxes, nous avons aussi entre nous, non seulement des séparations ou parfois des tensions existantes entre les différentes ethnies, mais nous avons aussi, dans la grande famille orthodoxe, des orthodoxes orientaux que nous voulons connaître, qui ont une vieille tradition remontant au tout premier siècle de l'Église, et là aussi nous avons un devoir de les connaître, de les aimer, de les découvrir, et peu à peu d'essayer de surmonter les divisions millénaires existantes entre l'Église éthiopienne, l'Église copte, l'Église syrienne, etc., et l'arménienne. Toutes les églises connues sous le vocable d'Église antécalcédonienne. Antécalcédonienne. Tout à fait. Il y a un dialogue engagé entre l'Église orthodoxe et ces églises. Je crois qu'il faut terminer quand même par un message de paix, un message d'optimisme, parce que c'est la vérité de l'Église. Et on ne peut pas laisser des petites divergences comme ça, ou même des problèmes un peu plus importants, d'un moment critique de l'histoire, prendre le dessus sur le fond même. Et Joost van Ross me disait tout à l'heure, très bien, je crois que c'est dans la liturgie qu'on trouve cette unité. Et en fait, s'il y a communion, elle est manifestée de la manière la plus complète et totale dans la liturgie, je crois. Écoutez, et ça veut dire en Christ, parce que la liturgie, c'est la présence du Christ. Absolument. C'est le Christ qui est notre... Dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint et la Trinité, bien sûr. J'espère qu'on n'oubliera pas aussi de mentionner le fait, évidemment, qu'il y a des orthodoxes en Europe du Nord, évidemment en Finlande, puisque c'était un pays voisin de la Russie, mais également en Suède, en Norvège et au Danemark. Donc il faut comprendre cette mosaïque maintenant de tous les orthodoxes en Europe occidentale. Ben écoutez, on apprendra tout ça en lisant votre livre « Histoire de l'Église orthodoxe en Europe occidentale au XXe siècle ». C'est très complet. Père Boris, vous vouliez dire un mot ? C'est vraiment un mot. Je dirais simplement que je crois que nous avons le devoir, la vocation d'orthodoxe d'être des instruments de paix, de rassemblement, de conciliation, de réconciliation aussi. Nous devons être des artisans de paix, comme le Seigneur le demande dans le Sermon sur la montagne. Bienheureux les artisans de paix, car ils deviendront enfants de Dieu. Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup. C'était donc « Histoire de l'Église orthodoxe en Europe occidentale au XXe siècle », une édition dirigée par Christine Chaillot, préfacée par le père Boris Bobrinskoy, aujourd'hui avec nous, et avec le professeur Joost van Rossum. Notre prochaine émission, dimanche 9 juillet, nous serons toujours à l'Institut Saint-Serge pour parler de la formation théologique par correspondance. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Laurent Lucas. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com. Écoute du service protestant sur France Culture, une émission de la Fédération protestante de France, présentée par Daniel Jeanne. Ce matin, le pasteur Élian Cuvillier, professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier, vous propose d'aller à la rencontre d'un héros biblique, Samson. Thank you. Chers auditeurs, je vous convie ce matin à l'écoute d'une parole qui cherche à nous décentrer de nous-mêmes. Une parole qui veut sortir notre existence quotidienne de son impasse, nous arracher à ce qui nous attire vers la mort. Une parole qui veut ouvrir à chacune et à chacun un chemin de liberté et d'espérance. À la rencontre d'un personnage biblique à la fois bien et mal connu, Samson, l'homme à la force surhumaine. Son histoire nous est racontée dans la Bible, au livre dit des Juges, dans les chapitres 13 à 16. Nous écoutons la fin de cette histoire, au chapitre 16, les versets 4 à 20. Samson aimait une femme. Elle se nommait Dalila. Les princes de la confédération des Philistins montèrent chez elle et lui dirent « Dupe-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Dalila demanda à Samson « Dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter ?» Samson lui répondit, « Si on me liait avec 7 tendons frais, qui ne soient pas encore secs, je deviendrai faible et je serai comme n'importe qui. » Les princes de la confédération des Philistins apportèrent à Dalila 7 tendons frais qui n'étaient pas encore secs, avec lesquels elle le lia. Il y avait une embuscade près d'elle, dans la chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Alors il rompit les tendons comme un cordon d'étoupe qui se rompt quand il sent le feu. Ainsi le secret de sa force ne fut pas connu. Dalila dit à Samson, « Tu as essayé de me tromper, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je t'en prie, dis-moi avec quoi il faudrait te lier. » Il lui répondit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme n'importe qui. » Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il y avait une embuscade dans la chambre. Alors il rompit les cordes qu'il avait au bras comme un simple fil. Dalila dit à Samson, « Jusqu'ici tu as essayé de me tromper, tu m'as dit des mensonges. Dis-moi avec quoi il faudrait te lier. » Il lui répondit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Elle les fixa au piquet, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Alors il se réveilla de son sommeil, il arracha le piquet du tissu avec la chaîne. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu as essayé de me tromper, et tu ne m'as pas dit d'où venait ta grande force. » Comme elle le tourmentait, le harcelait tous les jours par ses paroles, il finit par perdre toute patience. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazir de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi et je deviendrais faible. Je serais comme tout le monde. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, fit appeler les princes de la confédération des Philistins et leur fit dire, « Montez, cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes de la confédération des Philistins montèrent donc chez elle et apportèrent l'argent. Elle l'endormit sur ses genoux. Puis elle appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête, commençant ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil en se disant, « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils l'amenèrent à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison.